ukulélé. Un jour j'irai à Hawaï jouer du ukulélé. Demain j'irai à Hawaï devant la mer, je jouerai du ukulélé un petit air. Tu danseras la bayadière devant la mer bleu clair, je verrai venir sous ton sueur tes beaux Saint-Pierre. Toute la nuit dans ton merveilleux boubou vert, j'essaierai de boire sous la bite ton corps parfait. Un jour j'irai à Hawaï, à Papété, à Nairobi, à Tombouctou, à Maui, au Fidji, à Djibouti. Je m'enfuis dans le planisca qui orne le mur de tes water. Mon rêve est rempli de désir, je veux m'enfuir. Un jour d'aller à Paris sans ma guitare chérie.